Unité 37. Conversation. Écoutez. Nous vous avons attendu hier. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Mais voyons, c'est à cause de la neige. 10 cm de neige vous ont empêché de sortir? Ce n'était pas prudent de prendre la route par ce temps-là. Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné? Tout simplement parce que notre téléphone était en dérangement. Répétez. 1. Nous vous avons attendu hier. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? 2. Mais voyons, c'est à cause de la neige. 3. 10 cm de neige vous ont empêché de sortir? 4. Ce n'était pas prudent de prendre la route par ce temps-là. 5. Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné? 6. Tout simplement parce que notre téléphone était en dérangement. Répondez, répétez. 7. Nous vous avons attendu hier. Pourquoi n'êtes-vous pas venu? 8. Mais voyons, c'est à cause de la neige. 9. 10 cm de neige vous ont empêché de sortir? 10. Ce n'était pas prudent de prendre la route par ce temps-là. 11. Pourquoi n'avez-vous pas téléphoné? 12. Tout simplement parce que notre téléphone était en dérangement. Écoutez. 13. Quel est le sujet de cette leçon? 14. Nous verrons les différentes manières d'exprimer la cause. 15. Prenons un exemple. 16. Il y avait de la neige. Les Durand ne sont pas venus. 17. Comment pouvons-nous encore exprimer la même idée? 18. Les Durand ne sont pas venus à cause de la neige. 19. Quel autre moyen avons-nous? 20. Les Durand ne sont pas venus parce qu'il neigeait. Répétez. 21. Quel est le sujet de cette leçon? 22. Nous verrons les différentes manières d'exprimer la cause. 23. Prenons un exemple. 24. Il y avait de la neige. Les Durand ne sont pas venus. 25. Comment pouvons-nous encore exprimer la même idée? 26. Les Durand ne sont pas venus à cause de la neige. Vingt-sept. Quel autre moyen avons-nous? 28. Les Durand ne sont pas venus parce qu'il neigeait. Maintenant, répondez à la question suivante de trois manières différentes. 29. Répondez, répétez. Pourquoi les Durand ne sont-ils pas venus? 30. Il y avait de la neige. Les Durand ne sont pas venus. 31. Pourquoi les Durand ne sont-ils pas venus? 32. Les Durand ne sont pas venus à cause de la neige. 33. Pourquoi les Durand ne sont-ils pas venus? 34. Les Durand ne sont pas venus parce qu'il neigeait. Voyons maintenant d'autres exemples. Écoutez. 35. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autobus aujourd'hui? 36. Il y a une grève aujourd'hui. Les autobus ne circulent pas. 37. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autobus aujourd'hui? 38. Aujourd'hui, les autobus ne circulent pas à cause de la grève. 39. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autobus aujourd'hui? 40. Aujourd'hui, les autobus ne circulent pas parce qu'il y a une grève. Répondez, répétez. 41. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autobus aujourd'hui? 42. Il y a une grève aujourd'hui. Les autobus ne circulent pas. 43. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autobus aujourd'hui? 44. Aujourd'hui, les autobus ne circulent pas à cause de la grève. 45. Pourquoi n'y a-t-il pas d'autobus aujourd'hui? 46. Aujourd'hui, les autobus ne circulent pas parce qu'il y a une grève. 47. Pourquoi ne viendras-tu pas au bureau demain? 48. Je ne viendrai pas au bureau demain. Je dois aller chez le médecin. 49. Pourquoi ne viendras-tu pas au bureau demain? 50. Je ne viendrai pas au bureau demain à cause de mon rendez-vous chez le médecin. 51. Pourquoi ne viendras-tu pas au bureau demain? 52. Je ne viendrai pas au bureau demain parce que je dois aller chez le médecin. Répondez, répétez. 53. Pourquoi ne viendras-tu pas au bureau demain? 54. Je ne viendrai pas au bureau demain. Je dois aller chez le médecin. 55. Pourquoi ne viendras-tu pas au bureau demain? 56. Je ne viendrai pas au bureau demain à cause de mon rendez-vous chez le médecin. 57. Pourquoi ne viendras-tu pas au bureau demain? 58. Je ne viendrai pas au bureau demain parce que je dois aller chez le médecin. 59. J'ai envie de faire une balade à vélo. Viens-tu avec moi? 60. Volontiers, mais en fin d'après-midi. 61. Pourquoi pas plus tôt? 62. Parce que j'ai mon travail à finir. 63. Pour une fois qu'il fait beau. 64. Oui, mais comme j'ai un devoir surveillé demain, j'ai du boulot. Répondez, répétez. 65. J'ai envie de faire une balade à vélo. Viens-tu avec moi? 66. Volontiers, mais en fin d'après-midi. 67. Pourquoi pas plus tôt? 68. Parce que j'ai mon travail à finir. 69. Pour une fois qu'il fait beau. 70. Oui, mais comme j'ai un devoir surveillé demain, j'ai du boulot. Écoutez. 71. Et maintenant, nos informations météo et le point sur l'état des routes. 72. Mauvais temps sur l'ensemble du pays. Pluie ou verglas sur les plaines. 73. D'abondantes chutes de neige sont signalées en montagne, sur le Massif central et les Alpes du Sud. 74. C'est la raison pour laquelle on recommande la plus grande prudence. 75. À cause de la neige, si vous devez emprunter la Nationale 85, il faut prévoir des équipements spéciaux. 76. La Nationale 84 est coupée par suite d'un éboulement entre Nantua et Bellegarde. 77. Toujours à cause des chutes de neige, le col du Lautaret est fermé. 78. En raison du brouillard, la visibilité est réduite sur les régions de l'Ouest. Écoutez. Qu'y a-t-il en ce moment à la radio? Les informations météo et le point sur l'état des routes. Que dit la météo? Elle annonce du mauvais temps sur l'ensemble du pays, avec pluie ou verglas sur les plaines. Quelle est la situation en montagne? D'abondantes chutes de neige sont signalées sur le Massif central et les Alpes du Sud. Quels conseils donne-t-il? À cause du mauvais temps et des chutes de neige, on recommande la plus grande prudence. Je parie qu'on ne peut pas emprunter la Nationale 85. Si, mais à cause de la neige, il faut prévoir des équipements spéciaux. Pourquoi la Nationale 84 est-elle coupée? Par suite d'un éboulement entre Nantua et Bellegarde. Tous les cols sont ouverts? Non, toujours à cause des chutes de neige, le col du Lautaret est fermé. Qu'y a-t-il d'autre? En raison du brouillard, la visibilité est réduite sur les régions de l'ouest. Répétez. 79. Qu'y a-t-il en ce moment à la radio? 80. Les informations météo et le point sur l'état des routes. 81. Que dit la météo? 82. Elle annonce du mauvais temps sur l'ensemble du pays, avec pluie ou verglas sur les plaines. 83. Quelle est la situation en montagne? 84. D'abondantes chutes de neige sont signalées sur le Massif central et les Alpes du Sud. 85. Quels conseils donne-t-il? 86. À cause du mauvais temps et des chutes de neige, on recommande la plus grande prudence. 87. Je parie qu'on ne peut pas emprunter la nationale 85. 88. Si, mais à cause de la neige, il faut prévoir des équipements spéciaux. 89. Pourquoi la nationale 84 est-elle coupée? 90. Par suite d'un éboulement entre Nantua et Bellegarde. 91. Tous les cols sont ouverts? 92. Non, toujours à cause des chutes de neige, le col du Lautaret est fermé. 93. Qu'y a-t-il d'autre? 94. En raison du brouillard, la visibilité est réduite sur les régions de l'ouest. 95. Répétez. 95. Qu'y a-t-il en ce moment à la radio? 96. Les informations météo et le point sur l'état des routes. 97. Que dit la météo? 98. Elle annonce du mauvais temps sur l'ensemble du pays, avec pluie ou verglas sur les plaines. 99. Quelle est la situation en montagne? 100. D'abondantes chutes de neige sont signalées sur le Massif central et les Alpes du Sud. 101. Quel conseil donne-t-il? 102. À cause du mauvais temps et des chutes de neige, on recommande la plus grande prudence. 103. Je parie qu'on ne peut pas emprunter la nationale 85. 104. Si, mais à cause de la neige, il faut prévoir des équipements spéciaux. 105. Pourquoi la nationale 84 est-elle coupée? 106. Par suite d'un éboulement entre Nantua et Bellegarde. 107. Tous les cols sont ouverts? 108. Non, toujours à cause des chutes de neige, le col du Lautaret est fermé. 109. Qu'y a-t-il d'autre? 110. En raison du brouillard, la visibilité est réduite sur les régions de l'ouest.